Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire « La cantatrice chauve » d'Eugène Ionesco. Et pourquoi cette œuvre s'appelle-t-elle « La cantatrice chauve » et non pas « L'anglais sans peine » comme je pensais d'abord l'intituler, ni « L'heure anglaise » comme je voulus un moment le faire par la suite. C'est trop long à dire. Une des raisons pour lesquelles la cantatrice chauve fut ainsi intitulée, c'est qu'aucune cantatrice chauve ou chevelue n'y fait son apparition. Ce détail devrait suffire. Eugène Ionesco, à l'émission « Les muses s'amusent » en juin 1968. En quelques mots seulement, le grand maître de l'absurde résume ici tout l'esprit de son théâtre. Écrite en 1949, la cantatrice chauve est la toute première pièce de Ionesco et sa plus connue, jouée au Théâtre de la Huchette depuis 1957. Cette pièce appartient maintenant au grand répertoire classique du théâtre français. Madame Smith, vous avez l'air fâchée. C'est que, voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Ça ne vous regarde pas? Je te prie de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Oh, chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour. Son père, je le connaissais. Il m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage. Quand j'en aurais une, il est mort en attendant. Ce n'est ni sa faute à lui, ni la vôtre. Enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait... Non, c'est toi qui prétendais. Oui, c'est elle. Non, c'est lui. Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, madame Smith. Eh bien, voilà. Oh, ça me gêne beaucoup de vous parler franchement. Mais un pompier est aussi un confesseur. Eh bien? On se disputait parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. La chose est plausible. Et moi, je disais que chaque fois que l'on sonne, c'est qu'il n'y a personne. La chose peut paraître étrange. Et pourtant, elle est prouvée. Non, point par des démonstrations théoriques, mais par des faits. C'est faux! Puisque le pompier est là, il a sonné, j'ai ouvert, il était là! Quand? Mais tout de suite! Oui, mais ce n'est qu'après avoir entendu sonner une quatrième fois que l'on a trouvé quelqu'un. Et la quatrième fois ne compte pas. Un petit extrait de la pièce « La cantatrice chauve » présentée au Théâtre du Rideau-Vert de Montréal en janvier 1996. Pour nous raconter la petite histoire derrière cette grande pièce, je reçois Julie Roberge, qui est professeure de français au cégep André-Laurendeau, qui est chargée de cours également à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Julie Roberge, bonjour. Jacques Beauchamp, bonjour. Quelle place elle occupe, cette pièce « La cantatrice chauve » Julie Roberge, dans l'histoire du théâtre au 20e siècle? En fait, c'est un phénomène unique que cette pièce de La cantatrice chauve. Au départ, c'est la pièce fondatrice du théâtre de l'absurde. Et on l'entendait au départ, elle détient cette pièce-là, le record de longévité de présentation. Depuis 1957, sans interruption au théâtre de la Huchette, ça fait donc 63 ans. En fait, la seule interruption, c'est actuellement, pour cause de COVID-19. On parle donc de 19 000 représentations, ce qui est exceptionnel. Et vous parliez du théâtre de l'absurde. Évidemment, La cantatrice chauve, c'est une pièce importante dans l'histoire du théâtre absurde. Il y a deux noms qui reviennent tout le temps, Ionesco et Beckett, quand on parle du théâtre absurde. Comment ils se comparent, ces deux grands maîtres du théâtre de l'absurde? En fait, je pense que Beckett est un peu plus sombre ou un peu plus pessimiste que Ionesco. Et en plus, il n'a jamais vraiment voulu être associé au théâtre de l'absurde. Hein. Mais comme Ionesco, il montre aussi l'impossibilité de communiquer entre les gens. Ces gens-là, Ionesco et Beckett, sont un peu les héritiers, si on veut, du surréalisme. Mmh. Et on va associer, en fait, quelques autres auteurs au théâtre de l'absurde. C'est en 49, on revient à La cantatrice chauve, que Ionesco écrit la pièce. On l'écoute expliquer à Fernand Seguin, l'émission Le sel de la semaine, en 1968, ce qui le conduit justement à écrire cette pièce. Pourquoi avez-vous écrit cette pièce, la première, La cantatrice chauve? Nous venons de voir un extrait trop court, hélas. Pourquoi avez-vous écrit ça? Pour amuser les amis, j'essayais d'apprendre l'anglais. Alors j'utilisais la méthode assimile, l'anglais sans peine. Et il m'a semblé qu'il serait peut-être amusant d'utiliser quelques phrases de ce texte et pour les mettre dans la bouche de deux personnes, de deux bourgeois. Parce que, évidemment, dans ces manuels de la conversation, ce sont les clichés les plus éculés de la, que l'on a, bien sûr. Et c'était pour faire une sorte de parodie de théâtre. Parce que vous n'aimiez pas le théâtre. Parce que je n'aimais pas le théâtre, bien sûr. Je n'aimais pas le théâtre. Et je continue à l'aimer difficilement. Vous vous demandez pourquoi elle était jouée si souvent ? Oui, je me demande pourquoi elle était jouée si souvent. Alors que tous les gens protestent quand ils la voient, la première fois. Oui, la première fois, ils protestaient. La première fois, ils protestaient, ils disaient, mais on se moque de nous. Ce qui était vrai, d'ailleurs. Ionesco, qui, dans cet extrait, persiste et signe Julie Roberge à dire qu'il n'aime toujours pas, ou en tout cas difficilement, le théâtre. Il va aussi souvent dire, puis il y a probablement un lien, il va aussi souvent dire qu'il écrit des antipièces, qu'il est un anti-auteur. Parlez-moi de ça, de la vision qu'a Ionesco du théâtre. Parlez-moi de la vision qu'il a de son propre théâtre. En fait, le contexte est hyper important. On se ramène en 1950, donc 47-50. L'Europe se remet difficilement de la Seconde Guerre mondiale. On a 50 millions de morts civiles et militaires sur la conscience. Les existentialistes, Camus, Sartre, Beauvoir, vont se demander pourquoi Dieu a laissé faire une telle chose. Alors que le courant absurde va poser les mêmes questions que l'existentialisme, mais rions-en. Bon, rions-en jaune, mais mieux vaut en rire qu'en pleurer. Rions de la condition humaine, du vide des relations humaines. Ça, c'est le contexte qui a amené Ionesco à écrire La cantatrice chauve. Il se dit lui-même anti-auteur, donc il écrit des antipièces. Pourquoi? Parce qu'il le dit, il n'aime pas le théâtre. Il veut donc briser les codes du théâtre, s'attaquer à la tradition, se défaire du carcan classique. Ce qui fait que ces pièces vont s'écarter de l'horizon d'attente qui est normalement créé par une pièce chez les spectateurs. Ouais. Et il est, en 1950, donc, on l'a dit, c'est sa toute première pièce, La cantatrice chauve. Où il en est, de fait, Julie Roberge, dans sa carrière, Ionesco, au moment où il écrit cette pièce-là? En fait, Ionescu, de son vrai nom, est né en Roumanie. Il va vivre un peu en France et, avec sa mère et en Roumanie avec son père. Il va faire des études de français que son père désapprouve. Son père voulait qu'il soit ingénieur. Mais il va devenir donc enseignant en Roumanie. En 1942, il va immigrer en France avec son épouse. Il va travailler à l'ambassade de Roumanie à Vichy jusqu'en 1945. Et une fois que la guerre se termine, la Roumanie va se trouver du côté des communistes à la fin de la guerre. Il va donc perdre son travail à l'ambassade de Roumanie. Et là, il va se mettre à écrire. Un peu, quelques brimbales, là, sans trop d'importance, des petits boulots de révision. Et ça va être une période extrêmement difficile pour la famille Ionescu. Il va donc jeter les bases de sa première pièce, La cantatrice chauve, en 1947. Et tout plein de pièces qui vont suivre sans nécessairement attendre le succès qui va venir plus tard. Et donc, c'est en 1950 qu'on va assister à la première représentation de La cantatrice chauve par Ionesco, qui va avoir francisé son nom de Ionescu. On est passé à Ionesco. Ouais. Et l'étincelle, il parlait de la méthode à 6000. C'est vraiment ça qu'il met sur la piste de La cantatrice chauve? Eh oui, parce qu'il veut apprendre l'anglais. La méthode à 6000, c'est une méthode où il y a un livre, il y a un petit dialogue dans la page de gauche, dans la langue qu'on connaît, donc dans le français, et dans la page de droite, il va y avoir le même dialogue, mais dans la langue qu'on veut apprendre. Donc, au début, ce sont des dialogues un peu faciles, mais plus on avance en méthode, plus ça se complexifie. Donc, on va parler des thèmes du quotidien, savoir nommer la nourriture, la famille, les loisirs, apprendre à énumérer, à dire les négations, des expressions idiomatiques. Et donc, Ionesco va se servir de ces thèmes-là dans les conversations de ses personnages. Par exemple, Mme Smith va parler de ses enfants à son mari. Elle va aussi lui énumérer ce qu'ils ont mangé pour souper. Ionesco, parce qu'on parle d'anglais, évidemment, Ionesco va camper sa pièce dans un décor bourgeois anglais. Oui. La didascalie du début de la pièce va le montrer. Là, ça dit intérieur bourgeois anglais, Monsieur Smith anglais, lit un journal anglais. Et tous les personnages vont porter des noms anglais très, très, très ordinaires. Monsieur et Madame Smith, Monsieur et Madame Martin, Donald and Elizabeth, la bonne des Smith qui s'appelle Mary. Les Smith vont parler d'un certain Bobby Watson. Donc, on est vraiment entouré de l'anglais sous toutes ses formes. Oui, avec ce regard toujours très, très cynique, montrer l'absurde en partant de trucs qui existent et que tout le monde connaît. L'anglais typique, la méthode à 6000. Un mot sur le titre de la pièce, il en parlait lui-même au tout début de l'émission. Il a hésité entre différents titres. Comment il en arrive finalement à ce titre de La cantatrice chauve? En fait, c'est très drôle parce que en répétition, le pompier a une longue, longue tirade à faire, du genre le beau-frère de la belle-fille d'en arrière qui est parente avec la deuxième voisine, qui n'en finit plus d'énumérer des gens. Et dans cette longue énumération-là, il doit dire « institutrice blonde ». Vous en conviendrez que « institutrice blonde », ça se dit mal. Et là, le comédien qui joue le pompier est un petit peu fatigué de s'enfarger dans « institutrice blonde » et un jour va plutôt dire « cantatrice chauve ». Institutrice pour cantatrice et blonde pour chauve. Et Ionesco, qui était dans la salle tout à coup pour la répétition, est emballé par ce changement-là. Le titre va donc être « La cantatrice chauve ». Et on l'entendait dire que ça n'avait aucun sens logique avec le sens de sa pièce. Et pourtant, il va quand même ajouter une réplique pour justifier le titre. Le pompier, quand il va quitter la soirée chez les Smith, va dire, alors qu'il a le pied dans la porte, « Et la cantatrice chauve ». Et c'est Mme Smith qui va répondre gravement, « Elle se coiffe toujours de la même façon ». Oui, donc l'esprit Ionesco est là, mais c'est vrai qu'il aurait... S'il avait voulu pousser jusqu'au bout, il aurait même pu ne pas du tout faire de référence à la cantatrice chauve dans sa pièce. Attaquons-nous justement au texte, à ce que raconte cette histoire. On écoute Ionesco d'abord lui-même lire un passage de sa pièce en 1952, un extrait qui est tiré de la collection de la Bibliothèque nationale de France. « Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort, et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby. Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby. Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai vue qu'une fois, par hasard, à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers, et pourtant on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers, et pourtant on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Les professeurs de chant. C'est de la musique, hein? On l'entend bien dans cet extrait. Venons-en au texte de cette pièce, à l'histoire aussi, à l'écriture de Ionesco. Commençons peut-être par l'histoire. Qu'est-ce que ça raconte, la cantatrice chauve? En fait, la pièce raconte une soirée chez des bourgeois anglais, les Smith. Alors, dit comme ça, ça a presque l'air normal, mais on vient de l'entendre, ce n'est pas tellement normal. Les Smith, donc, vont s'apprêter à passer une soirée tranquille à la maison après le souper. Ils vont avoir la visite des Martin, un couple d'amis, puis le pompier va aussi venir voir s'il n'y a pas un feu à éteindre, au lieu d'attendre qu'on l'appelle s'il y en a un. La bonne des Smith, Mary, va aussi essayer de se mêler du déroulement de la soirée, alors qu'on s'attendrait un peu plus de retenue de la part d'une bonne. L'arrivée du pompier va contribuer à faire éclater la soirée un peu plus parce qu'il va raconter des anecdotes toutes plus déjantées les unes que les autres. Et curieusement, la pendule aussi est un personnage. Mm-hmm. Parce que les didascalies vont indiquer que la pendule sonne tant qu'elle veut. Elle sonne des coups anglais ou des coups nerveux. Au pire, qu'elle ne sonne pas du tout. Donc, c'est à la lecture qu'on voit l'absurdité de la pendule, parce que normalement, une pièce, c'est fait pour être jouée, mais si on ne l'a pas lu avant, on ne sait pas à quel point les didascalies vont être importantes. Donc, tout au long de la soirée, des propos insignifiants, des silences, ça va amplifier le malaise entre les personnages, alors qu'ils sont des amis. La pièce fait même aussi un clin d'œil, c'est ça, c'est très étrange, à Mackenzie King, qui était le premier ministre canadien, de l'époque. Dans la pièce, le docteur de Mme Smith s'appelle justement Mackenzie King. Et elle va le rappeler à son mari que leur médecin s'appelle Mackenzie King. On entendait dans l'extrait lu par Eugène Ionesco la présence de Bobby Watson. Oui. Il y a 9 Bobby Watson différents dans la pièce. Et ce que Ionesco voulait faire, sans doute, c'était de rendre ridicule les noms anglais où on a le premier, le deuxième et le troisième du nom. Ils s'appellent tous Bobby Watson, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Et en fait, plus on avance, Julie Roberge, plus on avance dans la pièce, plus ça part en vrille, finalement. C'est un peu ça. Il y a comme un crescendo. Oui, tout à fait. Il y a un crescendo. À la fin, dans la dernière scène, les personnages se crient des insanités par la tête. Ça ne veut absolument plus rien dire. Mais la pièce ne se termine comme un peu jamais. Parce qu'à la fin, quand justement ils sont en train de se crier par la tête, il y a un noir sur les personnages. Et là, tout à coup, la scène se rallume et les Martin ont pris la place des Smith et vont redire les mêmes répliques du début de la pièce. Oui. Et là, il va y avoir un noir et la pièce va se terminer comme ça. Ouais. Donc, l'éternel recommencement possible. Exactement. Je parlais de la musique dans l'extrait qu'on vient d'entendre, lu par Eugène Ionesco. Ça nous amène à sa langue assez unique. Comment décrire cette langue-là? C'est une langue qui est complètement disloquée, qui ne va pas assumer sa fonction première, qui est de communiquer. Parce que dès le début de la pièce, avant l'arrivée du pompier, on voit très bien la méthode assimile. On voit les termes, les langages, les apprentissages. Dans la deuxième partie, quand le pompier est là, c'est des fables sans queue ni tête, des anecdotes qui vont faire éclater justement le langage, des phrases creuses. Et à la troisième partie, quand le pompier est parti, ben là, le langage a carrément plus de sens. Mais le langage est un personnage, comme s'il décidait de ce que les personnages allaient se dire. Et ça montre évidemment le vide des communications, le vide des relations. Ouais. Les personnages se parlent, mais ils se disent absolument rien. Mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est une forme de théâtre, évidemment, puis il faut se replacer dans le contexte. Déjà encore, aujourd'hui, ça peut surprendre. À l'époque, vraiment, on n'est pas du tout habitué à ça. Comment est accueillie la pièce à sa sortie? Plutôt mal. La première, le 10 mai 1950, il y a une première représentation au Théâtre des Noctambules et le public, on comprend bien, est complètement dérouté. Il ne comprend pas. En fait, on ne peut pas comprendre cette pièce-là au premier degré parce que les repères traditionnels du théâtre ont complètement disparu et c'était le jeu d'Ionesco. Alors, faute de spectateurs, ben, il va fin des représentations à peu près un mois plus tard. En 1952, il y a une reprise au Théâtre de la Huchette. Et cette fois-là, en programme double avec La Leçon, qui est une autre pièce que Ionesco vient d'écrire. La pièce La cantatrice chauve dure à peine une heure, La Leçon aussi. Donc, ça fait une soirée un peu plus remplie. Et le fait qu'il y ait les deux pièces, c'est comme si l'accueil, tout à coup, était un peu meilleur, comme si les spectateurs commençaient à comprendre ce que voulait dire Ionesco dans ses pièces. Mais comme dans ce cas-là, c'est une pièce de remplacement d'une autre production qui n'avait pas pu avoir lieu, bien, la série de représentations s'est arrêtée après trois mois, comme c'était prévu. Oui. Puis c'est en 57, vraiment, que ça décolle. Pourquoi? Oh, pourquoi? Parce que le tout Paris, tout à coup, est prêt peut-être pour ce genre de théâtre-là. Le temps a fait son œuvre. Donc, le tout Paris va courir au Théâtre de la Huchette. C'est bien de se faire voir au Théâtre de la Huchette en 1957, de dire « j'étais là dans les premières représentations de la cantatrice chauve ». Mais ce qui a changé, et ça a changé en fait en 1952, c'est que le metteur en scène Nicolas Bataille a compris que même si le texte est absurde, il faut que la mise en scène soit tragique. Ouais. Alors, c'est un texte qui est en apparence comique, mais il ne faut pas aborder ça comme une comédie, il faut aborder ça comme une tragédie, la tragédie du langage et la tragédie du vide des personnages. Oui, le jouer sérieusement, cette espèce d'absurdité, il faut la jouer très, très sérieusement. Tout à fait. Un mot sur les thèmes qui sont abordés, parce que ça peut avoir l'air que d'une grande plaisanterie, cette affaire-là, mais non, il y a quand même un propos. Quel thème aborde Ionesco dans cette pièce? Oui, probablement le plus important, c'est le thème principal, c'est l'absence de communication entre les gens. Ils s'échangent des banalités, des clichés, des insignifiances. C'est le vide des relations humaines montré donc par ces phrases vides que les personnages vont s'échanger. On ne s'écoute pas, mais on ne s'en rend pas compte de ce vide-là. Du coup, ça montre une espèce de vision pessimiste du couple. C'est une critique de la petite bourgeoisie en même temps, des classes sociales, une critique des Anglais aussi. Et les personnages sont tellement vides qu'ils sont interchangeables. À la fin, donc, on le disait, les Martin prennent la place des Smith, ou ils ne se reconnaissent pas comme les Martin quand ils font leur arrivée chez les Smith. Bon, on l'a signalé à deux ou trois reprises depuis le début de l'émission. La cantatrice chauve est présentée au Théâtre de la Huchette depuis 1957. C'est pas rien, c'est un phénomène assez unique. On écoute à ce propos le reportage présenté au journal télévisé de France 3 en février 2007 à l'occasion des 50 ans de représentation de la cantatrice chauve au Théâtre de la Huchette. 50 ans, c'est un record mondial. La cantatrice chauve de Ionesco est jouée en effet dans le quartier latin au Théâtre de la Huchette depuis le 16 février 1957. Un petit chef-d'œuvre de l'absurde, intemporel. Michel Vial, Georges Milangois. La cantatrice chauve et La Leçon connaissent ce soir leur 15 761e représentation, passée en un demi-siècle de l'avant-garde au classicisme. Et voilà, j'étais très, très désireux de jouer un théâtre qui soit de notre époque. Et lorsque j'ai eu le texte entre les mains, je me suis dit, mais voilà, je l'ai montré aux comédiens, c'est la bombe atomique. On jouait un peu clownesque. Bon, et puis on s'est aperçu que ça tuait le texte. C'est là que je me suis dit, il faut au contraire jouer ça pratiquement comme Edda Gabler. Plus on sera sérieux, plus le texte prendra sa verve comique. En optant pour le ton guindé et flegmatique au lieu de forcer le comique, Nicolas Bataille a dès le départ su mettre en évidence la cocasserie de Ionesco, qui a d'abord déconcerté le public et la critique. Je me suis amusé d'avoir agité et mécontenté des gens. La leçon et la cantatrice chauve de Ionesco remplissent donc chaque soir les 90 places d'un petit théâtre parisien. Un peu tiré par les cheveux, certes, selon un critique de l'époque, mais leurs coq à l'âne n'ont rien perdu de leur étrange pouvoir. Ce qu'il y a d'assez particulier, Julie Roberge, avec cette pièce-là, La cantatrice chauve, c'est que c'est à la fois devenu, faut bien le dire, une espèce d'attraction touristique, cette pièce qu'on veut voir quand on visite Paris, mm-hmm. parce que depuis des décennies, elle est présentée dans le même petit théâtre, le Théâtre de la Huchette. Il y a ça qui pourrait paraître un peu superficiel, et en même temps, une pièce qui vraiment a fait son entrée dans le grand répertoire du théâtre mondial. Oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout une pièce superficielle. C'est une pièce unique. C'est sûr qu'au premier abord, ça semble un peu étrange, mais ça, c'est devenu un classique. Cette absence de communication entre les personnages, c'est devenu un grand classique. C'est joué partout dans le monde. C'est traduit en plusieurs langues. On pense qu'une troupe qui est même déjà venue jouer en japonais, La cantatrice chauve, j'ai aucune idée comment ça se dit en japonais, au Théâtre de la Huchette. Au Québec, c'est un succès probablement quasi assuré quand une troupe va monter ça, parce que les étudiants de niveau collégial vont être invités à y aller. Et même ceux qui ont étudié la pièce pendant leurs études et que ça serait maintenant terminé vont aussi y aller. Oui. Parce qu'on ne peut pas rester insensible à cette pièce-là. Ceci dit, c'est une pièce qui est classée quand même au 24e rang des meilleurs textes du 20e siècle, selon la FNAC, hein, qui est une librairie, et le journal français Le Monde. Et Ionesco est le premier auteur à être publié de son vivant dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade. Et quand même si c'est un truc touristique, reste quand même que quand on a vu la pièce au petit théâtre parisien de la Huchette, on s'en rappelle pour toute sa vie. Ouais. Et puis, vous l'enseignez vous-même. Un petit mot là-dessus, je suis curieux. Vos étudiants, ils réagissent comment, Julie Roberge, quand vous abordez La cantatrice chauve? En fait, il faut leur expliquer le contexte de l'œuvre et de dire qu'au premier niveau, c'est à peu près incompréhensible. Bien qu'on peut trouver des trucs très, très drôles au premier niveau, il faut aller dans ce deuxième niveau-là qui montre que les personnages vont continuer à discuter, mais ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent est vide. Ouais. Que le théâtre de Ionesco va à l'encontre du théâtre dit classique. Et c'est un classique pourtant, puisque par définition, le classique, c'est celui qu'on étudie dans les écoles. Julie Roberge, professeure de français au cégep André Laurendeau, chargée de cours à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Ça fut un plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.